Chapitre 15e. Patrick était si ému lui aussi qu'il resta un bon moment sans trop savoir quoi lui répondre, se résolvant seulement à lui donner de grandes tapes dans le dos. L'émotion finit pourtant par passer, et revenant sur terre, ils s'éloignèrent l'un de l'autre. Je suis heureux d'être de retour, mais rien que pour te revoir, mon frère, dans cet état, je suis prêt à repartir 2 ans. Qu'en dis-tu, bison ardent? Je reconnais bien là ton vilain humour. Pourtant, je croyais sincèrement ne plus te revoir. Oh, remarque que je me débrouille bien mieux quand tu ne m'aboies pas derrière, mais je quoi? T'aboies derrière. C'est normal, vu le nom que ton père m'a donné. Il fallait bien t'attendre à ça, non? Et puis, si je ne le faisais pas, je suis sûr que cela te manquerait. Une bonne bourrade l'envoya pratiquement contre la calèche. Patrick était trop content pour s'en formaliser. Ils rentrèrent finalement dans leur belle demeure et invitèrent Bison Ardent. Je ne vais pas venir vous ennuyer maintenant. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. Il faut que je prépare la fête de ce soir. Vous avez tout intérêt à bien vous reposer, car si vous vous endormez pendant le repas, je crois que je serai capable de vous mettre sur le premier bateau en partance pour l'Europe. Allez, viens, mon chéri. Que de menaces inutiles et surtout bien vaines. Je suis éreinté et les jumeaux tiennent à peine debout. Il va falloir nous débarrasser de toute cette poussière et dormir un peu. Tu te rends compte que nous sommes invités par le chef de la tribu? Quel honneur! Bon, je crois que je vais partir tout de suite avant de regretter les actes que j'ai en tête. Dire que même ma propre sœur me manque de respect, on aura vraiment tout vu. Il partit aussitôt et on entendit un gigantesque éclat de rire sortir de sa gorge. Lui aussi se sentait heureux, et jamais un jour, en sauvant cet homme, il aurait pensé qu'il puisse lui manquer autant. La fête, comme avait dit Bison Ardent, était gargantuesque. Les femmes avaient fait rôtir des quartiers entiers de bisons, des oies, des poules, et une odeur appétissante se répandit bientôt dans tout le village. Les femmes s'évertuaient en vain à maintenir propre leur progéniture. Les hommes, après la chasse, se lavaient à grandes eaux, en s'éclaboussant comme des gamins, et les vieillards, après avoir revêtu leurs plus beaux atours, s'amusaient à regarder et à commenter toute cette agitation. À la nuit tombée, un immense feu de bois, dressé au centre du village, illuminait les alentours comme en plein jour. Lorsque Patrick, l'arme de pluie et leurs jumeaux apparurent, un chant de joie et de bonheur en leur honneur sortit de toutes les poitrines. C'était un hommage que les Indiens faisaient à leurs frères retrouvés. Une bonne partie de la nuit, la famille Emerson raconta ses aventures à leurs frères et amis. Il y eut des chants et des danses, dans une allégresse totale. Finalement, en tombant de sommeil, repus à l'aube naissante, ils reprirent le chemin de leur demeure pour prendre quelque repos amplement mérité. Patrick se remit bien vite à la tâche, et quelques jours plus tard, la routine s'installa de nouveau. On voyait de temps à autre l'arme de pluie dans son fauteuil sur la véranda du ranch, plongée dans d'interminables rêveries. À croire qu'elle regrettait parfois ce lointain petit coin de France où elle avait passé de si beaux moments. Les Flanagan aussi lui manquaient. Rory, bourru mais si drôle, et Jeannette si gentille et franche. Décidément, rêvasser n'était pas bon. Et puis on avait besoin d'elle. Avec d'autres femmes de la tribu, elle aidait les quelques vieillards n'ayant plus de famille. Elle s'occupait aussi des enfants. Le savoir ancestral chez les Navarros se perpétuait par les femmes et uniquement par oral. Ainsi, ils apprenaient leur histoire, leur langue, leurs coutumes et tout leur savoir à leurs descendants. Même si une partie de leur tribu s'était scindée pour vivre au Mexique, celle qui restait s'agrandissait sans cesse, donnant de quoi s'employer. Et les années paisibles passèrent, tranquilles, dans le travail et le devoir. Ils s'enrichissaient un peu plus chaque année. Patrick faisait des placements, achetait du matériel, des actions dans de nouvelles technologies à l'aube de ce nouveau siècle. Tout allait si vite que parfois l'arme de pluie songeait qu'elle ne reverrait probablement jamais la France. Curieusement, les jumeaux, devenus adultes, ne songeaient pas à prendre femme. Ils recevaient environ une fois par mois des lettres de France, et l'arme de pluie pensa à Claire et à Alice. Ils étaient donc si sérieux dans leurs amours. Si cela était, ce n'était pas raisonnable de laisser les choses en l'état. Elle décida d'en parler à son mari le soir même. Après tout, 7 ans étaient déjà passés depuis leur voyage, et Patrick, à leur retour, lui avait bien dit d'attendre pour voir si leur amour était fort et sincère. Après 7 ans, cela ne laissait nul doute. Ce soir-là, Patrick rentra de bonne heure en compagnie de Bison Ardent. L'arme de pluie préféra que son frère s'en aille pour parler tranquillement à son mari. L'instant était propice. Assis devant la cheminée, Patrick fumait un dernier cigare. Dis-moi, chérie. Quoi donc, mon amour? Le travail peut-il se faire un peu sans toi ici? Oh, je ne suis pas indispensable et si tu te sens un peu seule, je pourrais peut-être prendre quelques jours de repos. J'avoue que cela ne me déplairait pas. Eh bien, j'avoue que je ne pensais pas exactement à quelques jours, vois-tu. Je pensais que nous avions une belle demeure qui nous attendait loin d'ici et qu'il y avait voilà maintenant 7 ans que nous n'y étions pas allés. N'est-ce pas toi qui la voulais tellement, cette maison? N'avais-tu pas dit que nous y retournerions de temps à autre? L'aurais-tu oublié? Que se passe-t-il? Tu n'es plus bien ici, dans ton pays, avec ta famille et tes amis? Cela n'a rien à voir. D'ailleurs, je n'ai jamais dit que je voulais vivre en France. Mais il m'avait semblé que tu voulais y retourner de temps à autre. Patrick, nous vieillissons et tu n'as même pas remarqué que tes enfants sont adultes depuis longtemps et toujours pas mariés? Oh, ils n'ont tout simplement pas trouvé l'âme sœur. Pourquoi s'en faire? Cela viendra bien un jour ou l'autre. Tu es vraiment aveugle. Tu ne vois rien du tout ou tu préfères ne rien voir? Tu es fière que tes garçons travaillent tous les deux au ranch, mais tu ne penses pas à leur bonheur. Eux, pour ne pas te décevoir, préfèrent sacrifier leur avenir. Je te préviens, mon chéri, que je ne te laisserai pas faire. De quoi parles-tu à la fin? Je n'y comprends vraiment rien. Ah non, d'accord. Alors je vais te mettre les points sur les i. Tu ne te rappelles peut-être plus des amis Flanagan et de leurs jolies jeunes filles? Tu ne te rappelles plus que tes fils étaient amoureux de ces jeunes filles? Oh, c'était des amourettes, rien de plus. Je ne crois pas, non, mais tu étais tellement occupé que tu n'as rien vu. Cela fait 7 ans que dure leur correspondance et 7 ans qu'ils se jurent de s'épouser. Qu'en dis-tu, mon cher époux? Tu n'es pas sérieuse. Tu voudrais me faire croire qu'au bout de 7 ans, ces enfants sont toujours amoureux et pensent toujours au mariage? Allons, larme de pluie, reviens sur terre, c'est impensable. Très bien, je vais te le prouver en ce cas. Par contre, si je te ramène cette preuve, je veux que tu réfléchisses à ce que tu vas faire pour tes enfants, pour que tes enfants ne souffrent plus et soient heureux. Larme de pluie s'éclipsa et revint en tenant 2 gros paquets de lettres entourés d'une belle faveur rouge. Elle les tendit à son mari et lui enjoignit de les lire sans tarder. Ce dernier s'assit devant la cheminée, alluma un nouveau cigare et commença sa lecture. Celle-ci dura 2 bonnes heures. Au bout de ce temps, quand il releva la tête, pâle et défait, il se tourna vers sa femme. Tu le savais depuis combien de temps? Quoi? Que tes fils étaient amoureux ou qu'ils l'étaient de plus en plus au fil du temps? Je le sais depuis 7 ans. Ils n'ont cessé de correspondre. Alors? Je ne sais trop quoi te dire. J'avoue que j'aurais dû faire plus attention et surtout parler à mes fils, mais tu t'es laissé vivre, parce qu'avoue que cela t'arrangeait bien quand même. Un silence plana quelques instants. Je suis un père indigne. Puis-je à présent refaire ce que j'ai bien failli défaire? Je pense que rien n'est perdu. Leur amour est toujours aussi fort et la France est toujours là. Il nous suffit de prendre le bateau et dans 1 ou 2 mois, nous pourrons célébrer 2 mariages. Oui, tu as raison. Je suis abasourdi, je n'ai rien vu, c'est fou. Mon fils a 26 ans et bon sang que je suis stupide. Allons, le temps des reproches n'est pas pour maintenant. Par contre, il va falloir organiser ce voyage et aussi ces mariages. Il faut à présent penser aux cadeaux que nous ferons aux Flanagan, ainsi que les excuses et aux cadeaux de noces des enfants. Je pense que les quelques jours de repos que tu voulais prendre suffiront pour tout organiser. Tu as raison. Je vais aller voir Bison Ardent immédiatement. Ne devais-tu pas aussi l'emmener avec nous, il me semble? Oh, tu es dur, mais c'est exact. Alors je vais essayer également de l'embrigader dans cette aventure. Tu devrais te coucher, chérie, cela risque d'être long. Oh, je ne suis pas si fatiguée. Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, pas vraiment. Je crois que je m'en tirerai mieux tout seul. Si tu ne me revois pas revenir, à ce moment-là seulement, va voir si ton frère ne creuse pas une tombe. 1 mois et demi plus tard, on faisait de nouveau les adieux à toute la tribu. Dans la calèche qui les emmenait à New York, 5 personnes étaient assises. Patrick, sa femme et ses enfants, ainsi que Bison Ardent. Il ne fut pas facile de décider celui-ci à venir, mais Patrick avait si bien argumenté qu'il s'était finalement laissé convaincre, son frère lui ayant affirmé que tous les hommes blancs n'étaient pas des sauvages. « Alors, c'est ça un bateau ?» fit Bison Ardent en posant le pied sur l'émeraude. « Eh oui, c'est ça. Tu ne vas pas me dire que tu en as peur, au moins. Un Navarro n'a peur de rien. Tu es sûr que ça flotte, un aussi gros tas de ferraille ?» Patrick et sa famille pouffèrent de rire et emmenèrent le récalcitrant dans sa luxueuse cabine. « Hey, qui va dormir avec moi dans ce grand lit? Je vous préviens que je ne veux personne. »« Tu seras tout seul, ne t'inquiète pas, » fit l'arme de pluie. « Toutes ces cabines à ce niveau sont équipées d'un grand lit, que tu sois seul ou non à dormir. »« Et où se lave-t-on dans cet endroit ?»« Regarde, il y a une autre porte et tout le nécessaire pour se raser et se rafraîchir. »« Et tout ça pour moi tout seul. » « Ces blancs, vraiment, ils ne savent pas quoi inventer pour se rendre intéressants. » Ils laissèrent Bison Ardent s'installer en ronchonnant. Il avait fallu, avant d'embarquer quelques semaines plus tôt, aller en ville, pour lui constituer une garde-robe présentable. Et pour cet homme-là, taillé en athlète, aussi récalcitrant aux costumes et aux autres accessoires indispensables, il avait fallu toute la patience de l'arme de pluie et toute la détermination de Patrick. Enfin, à présent qu'il était sur ce bateau, ils ne risquaient pas de leur fausser compagnie. Patrick pensait d'ailleurs à tort qu'il y aurait encore beaucoup à faire avec son beau-frère. Le voyage se passa presque sans encombre. Ils essuyèrent quand même un grain, et tandis que l'arme de pluie se réfugiait malade dans sa cabine, on vit Bison Ardent, hilar, dans la tempête, sur le pont du bateau, regarder toute cette puissance se déchaîner. Comme la première fois, ils arrivèrent au Havre et louèrent une calèche pour se rendre à Honfleur. Le petit village s'était bien agrandi depuis 7 ans. C'était à présent plus une petite ville, coquette et pimpante, où beaucoup de voyageurs aimaient à faire escale. Ils eurent du mal à reconnaître l'auberge du port. Celle-ci avait été multipliée par 2, et désormais Jeannette employait ses 2 filles pour le service. Quand ils entrèrent dans l'auberge, Claire et Alice mettaient le couvert pour le souper. Elles relevèrent la tête et s'apprêtaient à saluer les nouveaux arrivants quand elles se rendirent compte que ces arrivants-là n'étaient pas vraiment des inconnus. Un seul cri sortit de leur bouche et elles se précipitèrent, mi-pleurant, mi-riant, dans les bras de leur promis. Jeannette, entendant ces cris, arriva en toute hâte. « Eh bien, mes filles, que se passe-t-il donc ici pour que vous poussiez de tels hurlements ?» Elle resta coite lorsqu'elle vit, elle aussi, qui venait de débarquer et, manquant de défaillir, s'appuya sur la première chose qui lui tombait sous la main, en l'occurrence, la bannette à pain qui s'écroula avec fracas. Rory Flanagan, que tout ce boucan avait alerté, décida d'aller voir ce que ces femmes pouvaient bien fabriquer et si elles n'avaient pas besoin d'un coup de main. Des malandrins ou des marins ivres-morts étaient toujours à craindre. Il arriva à la dernière marche de l'escalier et oublia en voyant ce spectacle qu'il lui restait cette fichue dernière marche à descendre. Il voulut se précipiter pour serrer son ami contre lui. Il fit un grand pas en avant, bascula et, ne trouvant que le vide, tomba dans les bras puissants de Bison Ardent. L'arme de pluie, ivre d'avoir tant ri, dut s'asseoir pour reprendre ses esprits. « Mon Dieu, est-ce possible? Vous êtes vraiment tous là? C'est inimaginable. Nous ne voulions pas croire nos filles quand elles nous prédisaient votre arrivée d'un jour à l'autre. Bien sûr, au bout de 7 ans, on se lasse un peu. Tout de même, cela fait du bien de vous revoir. Dis-moi, Patrick, qui est donc ce géant ?» demanda Rory, remis de ses émotions. « Eh bien, je te présente mon beau-frère, Bison Ardent. S'il ne ressemble pas au bison, au moins il en a la force, le bougre. Tout comme toi, mon cher époux. Allons, entrez tous. Nous allons fermer l'auberge ce soir et faire la fête. Voilà une excellente idée, ma chère femme. Oui, fêtons cela. Attendez, » fit Patrick, redevenu soudain sérieux. « Nous avons à vous parler avant de fêter quoi que ce soit. Tu es bien grave, mon ami. Je crois que j'ai une vague idée de ce que tu vas me demander. Mais je ne veux pas encore attendre 7 ans pour devoir te répondre. Alors parle et sois bref, pour que nous puissions en profiter pleinement après. Toi, tu le savais, moi je suis indigne. Je ne m'étais aperçu de rien avant que ma femme ne m'ouvre les yeux, alors c'est à moi de vous présenter des excuses avant tout. Acceptez, allez, la suite. Cela m'a l'air si facile avec vous, mes amis, que je me sens vraiment ridicule d'avoir eu si peu confiance. Enfin, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Ce serait trop, par trop cruel. Rory et toi, Jeannette, Je viens au nom de mes deux fils vous demander les mains de Claire et d'Alice. » Voilà, c'est fait, souffla Patrick. Acceptez, acceptez. Allez, à présent, on va fêter ça, hurla Rory Flanagan. Et moi, leur mère, je n'ai pas mon mot à dire. Toi, femme, tu acceptes aussi. Alors pourquoi discuter davantage et perdre encore du temps? Il est incroyable, cet homme-là. Incroyable. Et pourtant, si c'était à refaire, je crois que je l'épouserais à nouveau.